sans mon sang, tu pourras payer le prix. Ou dis-moi, fais-tu qu'elle est au bas de fort, mais ou a fait me souffrir. Par contre, qui s'en qu'a quoi, qui s'en pas qu'a quoi. Parole ou à qu'a juste mon yo à l'envers. Ou t'es dit mauvais vieux, yo aurait derrière. Sous tri bave ou, pour que tout mon web ou dem. Même si sous le visé qu'est mon gemmes. Ou gemmes, ou gemmes. C'est pour l'aime sentime d'après ou. Ou pas chanson si la fait ou. Ou toujours bon pile la femme. Il est seul mon l'eau avec mon gemmes. Ou gemmes, ou gemmes. Ou gen mes we, chak fwa mwen pouche wale. Mwen vle ou tandem, fwa sa ou pap kade make. Ou fè mwen malve, bibi fwa kasi pote. Mwen vle pou wale, la gen mou pap dimile. Mwen lem de gade, fwa mwen gade. Ou te piske mwen fote. Ou fè mwen. Sous-titres par Jérémy Diaz. Pour que tout le monde voit vous d'aime. Même si sous le visé qu'il y a mon gemmes. Ou gemmes, ou gemmes. C'est pour l'aime sentime d'après ou. Ou pas chanson si la fait ou. Ou toujours bon pile la femme. Il est seul mon l'eau avec mon gemmes. Ou gemmes, ou gemmes. Décider, est-ce que vous avez changé?